série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Au cours de la 11e émission, nous avons jeté un premier regard sur la socio-économie canadienne dans la période pré-confédérative, dans la période des 1840 au 1867. Nous avons brossé à gros traits l'évolution de la province du Canada, créée dans l'après des insurrections du rapport Durham, une province qui va essayer de répondre dans la période pré-confédérative aux défis posés par la fin du protectionnisme britannique et l'accroissement de la concurrence américaine, une province qui commence à perdre sa population aux États de la Nouvelle-Angleterre, une province dont le crédit est compromis en fin de période parce qu'elle a surinvesti en canaux et chemin de fer. Mais pendant que s'éteignent les espoirs que le Saint-Laurent va être le grand corridor commercial qui va drainer les produits de l'arrière-pays américain vers le marché atlantique, pendant que Montréal perd dans sa course contre New York et que donc est remise en question la stratégie de développement économique des grands marchands, l'industrialisation est en train de monter au Canada. Une industrialisation dont la présence s'affirme durant la période pré-confédérative. Aujourd'hui, dans ce second coup d'œil sur l'économie pré-confédérative, nous parlerons d'industrialisation. L'historiographie canadienne a été tellement préoccupée par le contexte impérial qu'on a documenté bien mieux et plus précisément le déclin du vieux système mercantiliste, le relâchement de la politique coloniale, que la montée en sourdine du capitalisme industriel au Canada. En fait, certains ont même dit que l'industrialisation s'était faite au Canada à la fin du 19e siècle, au début du 20e. On a même bâti des hypothèses pour expliquer que l'industrialisation ne s'était pas faite. Or, cette industrialisation de la socio-économie canadienne, elle s'est faite. Elle commence bien plus tôt d'ailleurs qu'on ne le croit, bien plus tôt au 19e siècle, et elle se développe d'une façon bien plus rapide qu'on l'a cru pendant longtemps. C'est évidemment une industrialisation qui ne va pas exploser en quelques années, mais qui va infiltrer la socio-économie canadienne. En 1822, il existe un moulin à papier à Belleville. On construit des diligences à Toronto. En 1831, on fabrique des engins à Montréal et Trois-Rivières, déjà, a des fonderies. Avant l'abolition des corn laws en 1846, déjà, Massé et Harris, les producteurs de machines aratoires, sont en opération. En 1851, le secteur manufacturier, selon les évaluations du professeur O.G. Firestone de l'Université d'Ottawa, est déjà plus de 18% du produit national brut canadien. Le secteur de la fabrication est déjà important. En tête de liste, parmi les industries importantes, en 1851, les mineries, qui comptent pour un peu plus de 30% de la production manufacturière. Ensuite, les produits du bois sortant des moulins à scie et la construction navale, plus de 22%. Ensuite vient l'industrie de la chaussure, avec près de 7% de la production manufacturière. Et il faudrait ajouter les filatures, les tanneries, les manufactures de diligences et de véhicules, les brasseries, distilleries, fonderies, la production de meubles, etc. En 1851, il y a plus de 700 meuneries dans le Canada uni et près de 1900 moulins à scie. Les forces qui vont enclencher ce processus d'industrialisation et les raisons qui vont faire que l'industrialisation va se faire plus lentement dans certaines portions du territoire et avec des retards, on est en train de les étudier, comme on est en train d'étudier les effets de l'industrialisation sur les formes d'organisation économique, sur les genres de vie. Mais on peut déjà dire qu'à la source de la transformation de la boutique de l'artisan en manufacture, il y a d'abord et avant tout l'action des forces du marché qui, insensiblement et graduellement, amène l'artisan à ne plus travailler seulement sur commande, mais pour la vente au détail, à des clients que l'artisan ne connaît pas encore, au moment où il fignole son produit. Et puis ensuite, qui va l'amener à organiser différemment le travail dans sa boutique, à fractionner les tâches pour augmenter la productivité, pour réduire les prix, pour augmenter les ventes. À côté du marché, animé par lui, mais ayant aussi son rythme de vie propre, il y a la technique, la machine, qui vient encore chambarder les rapports de travail. Pour fixer les idées, nous nous sommes attachés à un secteur qui, pour n'être pas le plus gros des secteurs manufacturiers dans l'économie pré-confédérative, en est un qui est plus près de notre expérience à chacun de nous et qui est en croissance durant la période qui nous intéresse. C'est l'industrie de la chaussure. Joanne Burgess, de l'Université du Québec à Montréal, nous dit comment l'industrie de la chaussure a évolué à Montréal dans les années 1820, 30, 40. Dans les années 1820, 1830, 1840, au fur et à mesure que se développe une production qui n'est plus faite sur commande, et ça se comprend parce qu'à l'époque, on voit une expansion très importante de la population du Bas-Canada et aussi tout le peuplement de l'Ontario. Alors, c'est le marché rêvé pour un producteur de chaussures parce que tous ces gens-là ont évidemment à chausser. Donc, dans les années 1820, 30, 40, comme la production pour la vente en gros se développe, on commence à modifier l'organisation de la production. Et certainement, jusque vers la fin des années 1840, au niveau technique, nous avons ça sur le plus strict, au niveau de la technologie employée, les outils sont les mêmes que ceux qu'on utilisait en Nouvelle-France. Il y a peut-être quelques petits raffinements, mais essentiellement, c'est des outils relativement simples. Ce qu'on voit dans ces années-là, qui est important, c'est une nouvelle division du travail. Et plutôt que d'avoir un même individu qui fait toutes les étapes de la production, il y a une spécialisation d'État jusqu'à un certain point. Pas comme sur le chaîne de montage aujourd'hui, bien sûr, mais il y a au moins trois importantes divisions. Soit la coupe de cuir, soit la confection de lampagne, ou bien la couture de lampagne à la semelle. Et c'est plutôt ça, je pense, qui est vraiment fondamental dans les années 20, 30, 40. C'est cette division du travail, cette naissance d'un travail salarié sur une base différente de celle qu'on pouvait trouver dans le maître, qu'un compagnon pouvait être employé par un maître, mais c'est des rapports très différents que ceux qui existent entre 30 ou 40 compagnons travaillant pour le même producteur. Au Québec, on a vraiment télescopé un processus qui, ailleurs, a pris beaucoup plus de temps, où on peut voir vraiment une production pour vente en détail, ensuite au gros. Ici, ça semble se faire à peu près en même temps. Donc, au Canada, à Montréal, on voit vers les années 1820 un changement dans l'industrie de la chaussure. Est-ce que Montréal est en avance sur le reste du Canada, à ce moment-là? Dans la chaussure, oui. Montréal est le grand centre de la production des chaussures. Et c'est à Montréal qu'on voit vraiment se produire cette transformation, certainement beaucoup plus rapidement qu'ailleurs au Canada. C'est sûr que par rapport au commerce international, la fabrication est une bien petite chose à Montréal, dans les années 1820. Mais à l'intérieur du secteur de la fabrication, la seule source de bonne qualité que nous ayons, qui est le recensement de Jacques Léger de 1825, indique que l'économie était la plus importante catégorie parmi les chefs de ménage dans la fabrication. Il y avait plus de domestiques ou de journaliers, mais parmi les gens de métier, c'était vraiment les cordonniers qui étaient les plus importants. En 1825, les cordonniers représentaient environ 4% des travailleurs de Montréal. Bon, 4% des travailleurs de Montréal, c'est équivalent à peu près à 350 personnes à l'époque. Donc ça comprend à la fois maître artisan, compagnon et apprenti. Dans cette histoire de l'industrie de la chaussure, on a besoin 1824, c'est une date importante. 1824 est une date importante dans la mesure où on trouve là une preuve de certaines transformations. En 1824, on annonce dans le journal de Montréal où un marchand, tanneur, maître cordonnier, un homme à tout faire, un peu, annonce qu'il a besoin de nombreux importants compagnons cordonniers. Et c'est la première information sûre qui nous permet de voir quelqu'un produisant une échelle quand même assez importante. Cet individu, Stephen Field, indique qu'il a besoin de 30 compagnons cordonniers. On a une organisation de la production qui déborde un petit peu la petite boutique avec un ou deux compagnons. Est-ce qu'on voit des signes, Mme Burgess, de montée d'associations de compagnons cordonniers? Oui, dans les années 1830, on trouve encore une fois des indications d'existence d'organisations de compagnons cordonniers qui ont des relations conflictuelles avec leurs employeurs. et qui se plaignent des bas salaires et qui parlent s'organiser pour améliorer leurs conditions de travail. Et on voit ces compagnons cordonniers regroupés en association, négocier, bon, ce que nous on appellerait un peu dans les conventions collectives. À l'époque, prenait la forme de négociation des taux, des tarifs pour différents types de produits. Est-ce que tout ce monde-là va travailler en usine ou est-ce qu'il travaille à domicile? C'est ça qui est vraiment intéressant dans le cas de la cordonnerie. Quand j'ai commencé à étudier l'industrie de la chaussure, j'avais en tête le schéma traditionnel, boutique, manufacture, fabrique. On voit dans un premier temps la boutique de l'artisan, correspondant à un certain niveau de force productive, donc un certain niveau d'outillage, une certaine organisation du travail, un certain rapport entre maître et maître artisan et compagnie. La manufacture, qui serait une phase plus développée, caractérisée surtout par une plus grande division du travail et une concentration plus grande des effectifs dans un même milieu. Et finalement, la fabrique, qui se distingue de la manufacture surtout par l'apparition de machines outils. C'est-à-dire, on parle d'un outil, dans le cas d'un cordonnier, on passe d'une aiguille, d'un fil, à la machine à coudre, au stade de la fabrique, si on veut. Mais, quand j'ai commencé à étudier l'industrie de la chaussure, j'ai vu qu'il n'y avait pas ce passage très simple de boutique, manufacture, fabrique. Et que dans le fait, entre la phase boutique et la phase fabrique, il y avait toute une étape d'éparpillement de la production. Et une espèce de contradiction, si on veut, entre le fait que le même maître cordonnier, maintenant appelé marchand fabricant, dans les années 1820, 30, 40, c'est vraiment le cas, concentre des capitaux, concentre une main-d'œuvre sous son contrôle, mais cette main-d'œuvre produisait dans des lieux très très différents, et la plupart des travailleurs à l'époque produisaient toujours chez eux. De sorte que le maître artisan avait une boutique où il entreposait les matières premières, où il entreposait les produits finis, où les marchands de campagne venaient s'approvisionner, et aussi souvent certains travailleurs pouvaient travailler. La coupe du cuir se faisait habituellement dans la boutique du maître artisan. Et ça, ça se comprend parce que le cuir était une matière importante. Tu voulais s'assurer qu'elle ne soit pas perdue, volée. Et ensuite, pour la fabrication proprement dite, les compagnons venaient chercher du cuir découpé, du cuir pour faire 10 paires de chaussures, 15 paires de chaussures, allaient travailler chez eux et les ramenaient à la ville. Et ces gens-là pouvaient habiter dans la ville de Montréal même, ou même plus loin. Ce cheminement de la boutique vers la fabrique dans l'industrie de la chaussure à Montréal, il ne faut pas le voir comme un cas unique. Dans les années 30, la production manufacturière est présente déjà dans toutes sortes de secteurs du Bas-Canada, même dans le Haut-Canada, un Haut-Canada qui pourtant est encore assez peu peuplé. Rappelons cependant qu'il existe en 1836 déjà une quinzaine de villes de plus de 1000 habitants dans le Haut-Canada. Stanley Breau-Ryerson de l'Université du Québec à Montréal suggère que le phénomène d'industrialisation est perceptible même dans le Haut-Canada, et ce, très tôt. À York, par exemple, qui sera plus tard Toronto, déjà en 1833, je crois, on construisait des moteurs de paquebots, de bateaux à vapeur. Il y avait des commencements d'industrie de fabrication de machines. Un peu plus tard, ce sera la construction de locomotives à Kingston, Hamilton et Montréal. Et St. John, New Brunswick. London, Windsor, Walkerville, Sandwich. Il y a éléments d'industrialisation et marché local autour qui leur permettent d'avoir à la fois des caractéristiques, disons, du courant général du développement dans le sens de l'émergence du système de fabrique et des usines, de façon très inégale, mais surtout à partir des, je crois, des années 50, parce qu'avec les années 50, le grand champ d'Ardemont qui introduit le chemin de fer autour du canal de la Chine, les grandes fabriques, les usines sont installées, et soit pouvoir hydraulique, soit à vapeur. Ce sont des ouvriers de l'immigration. Avant, c'était les non-qualifiés, les paysans irlandais. Mais là, c'est quelque chose qu'on avait vu par petite goutte, pour ainsi dire, lorsque Molson voulait mettre sur pied sa fonderie, et aussi la brasserie avant ça, et fait venir un mécanicien britannique. Alors, des artisans, on dirait des mécaniciens, des ouvriers qualifiés, arrive avec le reste des centaines de milliers d'immigrés de la mère patrie anglophone, il y aura formation à Montréal de syndicats de tailleurs, de boulangers, de charpentiers, typographes. Les porte-paroles, c'est surtout des anglophones. Et les rapports sur la période 1837 et les ouvriers, les rapports où on voit que les ouvriers appuyaient, ou les membres du tout premier syndicat, appuyaient les 92 résolutions, c'est dans le Vindicator de O'Callaghan, le journal irlandais, journal anglophone, les Irlandais qui étaient solidaires des patriotes. Ils faisaient partie du mouvement patriote. Pour ce qui est de l'union syndicale, il y aura une prédominance d'anglophones, ou de gens d'Écosse ou d'Angleterre, et seulement par la suite, graduellement, une présence croissante de francophones. La montée de l'activité industrielle au Canada va entraîner non seulement des changements dans la division du travail, mais aussi de toute nécessité un changement dans les formes d'entreprise, dans la nature des activités des entrepreneurs. Dès le second quart du 19e siècle, on sent que les entrepreneurs tendent à ressembler beaucoup plus au modèle de Molson qu'à celui de Price, modèle dont nous parlions dans une émission antérieure. Mais ces changements, dont le plus important est peut-être le capital plus grand qui devient nécessaire, ces changements vont forcer les entrepreneurs à composer avec les réseaux traditionnels de relations, relations familiales qui canalisent le crédit, en attendant de créer des méthodes plus modernes pour éponger le capital nécessaire. Au début, les besoins de capitaux ne seront pas prohibitifs, mais à mesure qu'ils le deviendront, on verra les entrepreneurs inventer des moyens pour se procurer la finance nécessaire et créer des institutions comme la société à responsabilité limitée pour limiter justement les risques de l'aventure. Brian Young est un historien à l'Université McGill. Ce qui change dans cette période, entre autres, c'est qu'ils sont systématiquement obligés de chercher du capital presque toujours à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être une sorte de capitaliste et ils sont obligés d'avoir des racines plutôt en Angleterre, mais des fois, et vers la fin du siècle de plus en plus, aux États-Unis. Et en plus, on a le développement de l'usine, ça implique au niveau de l'organisation, des structures et du management plus scientifique. Est-ce qu'on voit, M. Young, les banques évoluer beaucoup depuis la création de la Banque de Montréal, de la Banque de Nouvelle-Écosse, dans le premier quart du siècle, vers l'existence de grandes banques importantes et de grands banquiers importants à la fin du siècle? Comment se fait cette évolution de nos banques au Canada? Mais les banques, ils ont peut-être évolué lentement. Ils ont montré, il me semble, une peur ou une réticence de mettre toute leur accumulation de capital dans ces nouvelles industries. On voit beaucoup de peur et justement, les grands capitalistes qui étaient ambitieux étaient obligés de faire leur propre banque, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'appui. Et un bon exemple de cette méthode, c'était Hugh Allen, le grand capitaliste, l'homme le plus riche au Canada, qui a justement formé une banque, le Merchant Bank of Canada, et avec ses frères, ses collègues, les autres membres de sa famille, il a mis en place une banque qui pouvait à la fois faire tous les échanges, les contrats, avec des autres institutions et qui pouvaient fonctionner pour accumuler le capital dont il avait besoin pour ses entreprises. Et quand on pense qu'en même temps, il a mis en place des compagnies d'assurance et des autres institutions financières, et on voit qu'on avait le début d'une intégration de tous les moyens de production des finances et une sorte de structure qu'on associe avec notre époque. Cette période où Allen met en place ces institutions nouvelles, c'est quand exactement? C'était les années 60. Ça commence, c'est quelqu'un qui arrive au Canada, il est envoyé par son père pour diriger le compagnie de bateaux. Il avoue la possibilité du Canada, de la fleuve Saint-Laurent, du vapeur, de la nouvelle technologie, il a construit cette grande compagnie de steamships, la Montreal Ocean Steamship Line. Il a vu les possibilités du télégraphe, du chemin de fer, de tous les autres systèmes de transport qui pouvaient mettre ensemble avec ces institutions financières. Et pendant les années 60 et plutôt 70, il est lancé dans le transport, dans le domaine de finance et de plus en plus dans le domaine d'industrie. Si le Bas-Canada a de l'avance dans l'industrie de la chaussure, il est clair que le Haut-Canada va sortir de la période pré-confédérative avec une armature urbaine et industrielle beaucoup plus solide que celle du Bas-Canada. Certains ont même pu dire, c'est peut-être excessif, qu'alors que pour le Québec, 1870 est un point de départ, pour l'Ontario, c'est un point d'arrivée. Albert Fauché a résumé la situation en quelques chiffres. Entre 1831 et 1871, la population du Québec ne réussit pas à doubler, alors que celle de l'Ontario se multiplie par 7 ou presque. L'étendue de terre en culture ne triple pas au Québec, elle est multipliée par 10 en Ontario. En 1871, l'Ontario a construit deux fois plus de chemin de fer que le Québec. Le marché s'accroît plus vite, l'espace économique s'intègre plus vite en Ontario qu'au Québec dans la période pré-confédérative. Et cela a évidemment des effets de dynamisation sur le commerce et l'industrie. Durant cette période, on voit littéralement les divers morceaux de l'économie ontarienne s'enclencher, la population envahir l'entrelac, cette péninsule au cœur des Grands Lacs, péninsule qui est déjà le cœur de la vie économique ontarienne. Pour Stephen Langdon, un économiste à l'université Carleton, l'important, c'est qu'en Ontario, l'industrialisation s'est faite en divers points du territoire en même temps. Il en démarque pour nous les étapes dans la période pré-confédérative. Il y a un commencement d'industrie dans les grandes villes comme Toronto et Hamilton. Et il y a aussi un commencement des petites industries dans les petites villes de cette province. Il y a peut-être trois périodes. La période de commencement des années 1840 à 1850. Dans cette période, on trouve dans les journaux de la province que c'est quelque chose de nouveau de voir des industries. On trouve des mots de surprise, mais après 1850, on trouve que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose naturel, ce n'est pas la chose centrale de l'économie dans ces années, mais c'est une chose importante. Et on voit dans les politiques du Canada d'Ouest qu'il y a des entrepreneurs qui entrent dans les politiques. Il y a des gens comme Isaac Buchanan, Hamilton, des gens comme Merritt, Saint-Catherine's. Et ces gens-là essaient d'avoir une politique d'industrialisation dans le gouvernement. Des politiques du gouvernement dans l'année 1858, quand on trouve que M. Galt, le ministère des Finances, a décidé de mettre des hommes sur les choses qui viennent d'Angleterre. C'est quelque chose de très important. Des tarifs douaniers, des droits de douane sont imposés sur des importations industrielles d'Angleterre et aussi des États-Unis. Ah oui, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose important et plus important dans les années à venir. Les années à venir, ce sont les années 1860. Est-ce qu'il y aura des changements importants dans l'industrialisation du Canada Ouest dans les années 1860? Je pense que oui. Ces petites usines de 1850 grandissent. Puis on trouve des entreprises qui se fusionnent. Ces entreprises sont plus grandes. Il n'y a plus des ouvriers. Il y a des villes où il y a peut-être la plupart des populations qui sont ouvrières industrielles. Ces villes comme Hamilton, des petites villes comme Guelph, Galt, des villes d'Ottawa, où il y a beaucoup d'industries du bois. Dans ces autres villes, à part Ottawa, vous parlez de Guelph, de Hamilton, de Galt, quelle est la base économique de cette industrialisation? On trouve aux grandes villes comme Toronto des industries pour consommation, des souliers, des vêtements, des choses comme ça. Mais dans les autres villes, il y a une industrie plus spécialisée. À Hamilton, on trouve des industries météorologiques. On trouve d'équipements industriels. Un événement important des années 50 au plan de l'industrialisation, c'est peut-être, comme le suggérait Stephen Langdon, la mise en place de droits de douane associés au nom de Kelley et Galt en 1858-59. Certains, comme Isaac Buchanan, ont pu dire que ces tarifs douaniers avaient suscité la création de pas moins de 1000 tanneries au Canada. Ce qui est certain, c'est qu'après 1859, les importations canadiennes de produits manufacturés tombent. La mise en place de ces droits de douane, pour augmenter les revenus de l'État dans certains cas, mais pour protéger les producteurs locaux dans d'autres cas, cela a été un événement qui, à la fois, montre la puissance montante des intérêts industriels, mais aussi qui sert d'indicateur quant à la direction que pourrait prendre une stratégie économique de rechange pour le Canada. Certains ont considéré les tarifs Kelley-Galt comme ni plus ni moins qu'une déclaration canadienne d'indépendance économique. C'était à tout le moins un énoncé préliminaire d'une politique de substitution de la production locale pour les importations industrielles, un thème qui animera la politique nationale de 1879. Le décrochage de l'industrialisation. Citer la création de pas moins de 1000 tanneries au Canada. Ce qui est certain, c'est que après 1859, les importations canadiennes de produits manufacturés tombent. La mise en place de ces droits de douane, pour augmenter les revenus de l'État dans certains cas, mais pour protéger les producteurs locaux dans d'autres cas, cela a été un événement qui, à la fois, montre la puissance montante des intérêts industriels, mais aussi qui sert d'indicateur quant à la direction que pourrait prendre une stratégie économique de rechange pour le Canada. Certains ont considéré les tarifs Kill et Galt comme ni plus ni moins qu'une déclaration canadienne d'indépendance économique. C'était à tout le moins un énoncé préliminaire d'une politique de substitution de la production locale pour les importations industrielles, un thème qui animera la politique nationale de 1879. Le décrochage de l'industrialisation ontarienne se fera cependant dans les années 60, avec l'accroissement de la dimension des entreprises et l'introduction généralisée de la machine à vapeur, comme nous l'explique Almosh Tachoni, un économiste historien de Pickering, en Ontario. À cette époque-là, pendant les années 60, on avait le commencement des industries un peu plus grandes, à une échelle plus grande. On avait des brasseries plus grandes. On avait aussi ces workshops, ces ateliers du Grand Tronc en Hamilton, qui a été la base de l'industrie lourde de nos jours. Aussi dans les villes qui ont servi cet arrière-pays agricole dans l'ouest et aussi dans le centre du province, on voit la création d'une industrie des machines agricoles. Ces arrosoirs, les autres implements, toute cette espèce d'industrie a commencé pendant les années 50-60. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'implantation de technologies nouvelles, d'implantation du processus manufacturier dans le Haut-Canada avant 1850? Pas tellement. Alors, c'est-à-dire, les industries avant 1850, pour la plupart, ont été des industries à petite échelle. C'est-à-dire, il y avait peut-être un patron de peut-être 2, 3, 5, 10, une dizaine d'emplois. Il y avait peut-être un ou deux usines par ici et par là, éparpillées, où il y avait plus de travailleurs, particulièrement dans les industries comme les bottes et souliers, et aussi dans les brasseries. Mais pour l'autre part, dans la manufacture des machines pour l'agriculture, pour la plupart, c'était assez petit. Et qu'est-ce qui va déclencher le processus d'industrialisation dans le Canada Ouest et puis dans l'Ontario, M. Tachoni? Dans le domaine technique, il y avait la répartition de la machine à vapeur partout, c'est-à-dire utilisée dans les usines comme source de pouvoir pour la transportation sur les lacs et aussi pour les chemins de fer. Et avec toute cette mécanisation, il y avait une amélioration du communication et ça a aidé beaucoup l'industrialisation. Thank you. L'industrialisation se fait en parallèle dans les maritimes. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont à peu près 15% de leurs exportations qui peuvent être considérées comme des produits manufacturés. La période de réciprocité avec les États-Unis a stimulé les économies des provinces maritimes, mais les maritimes sont en situation économique vulnérable. Leur économie, basée sur la pêche, la forêt et la construction de bateaux en bois, est menacée par le relâchement du protectionnisme britannique, évidemment, mais surtout par l'arrivée du bateau à vapeur, une invention qui va déposséder les maritimes d'un atout important, les avantages de sa localisation. On va commencer à se rendre compte que seul le développement industriel indigène peut dynamiser l'économie des maritimes, mais nous verrons que la puissance financière du Canada central, dans la nouvelle communauté économique qui va être façonnée en 1867, que cette puissance financière va réussir à retarder cette industrialisation des maritimes. Quant à l'Ouest, la ruée vers l'or en Colombie-Britannique a passé comme un cyclone économique. Après la tempête, il reste une ville, Victoria. Fondée en 1843, incorporée comme ville en 1862, Victoria a sa chambre de commerce en 1863. C'est une sorte de San Francisco en miniature. Dans les années 60, les moulins à scie de Burrard Inlet, le charbon de Nanaimo sont autant de signes que l'industrialisation va se rendre vite sur la côte du Pacifique. Au Québec, les commencements d'industrialisation vont prendre un tour nouveau vers la fin des années 1840, comme nous l'explique Paul-André Linteau de l'Université du Québec à Montréal. Le point de départ technique qu'on peut presque dater de 1848, en réalité, c'est le réaménagement du canal de la Chine à Montréal qui permet d'utiliser la force motrice de l'eau pour faire tourner des usines. Mais c'est évidemment pas la cause principale. La cause principale, c'est ce marché qui s'est agrandi, qui fait que maintenant, on peut remplacer certaines importations qu'on faisait jusque-là de Grande-Bretagne par une production locale et faite sur une base industrielle. Dans certains secteurs, c'était déjà en marche, comme le cas de la chaussure qu'on a cité tout à l'heure. C'était déjà en marche dans la mesure où déjà, dès l'époque pré-industrielle, il y avait un important artisanat local qui s'était développé et qui va maintenant passer à l'étape d'une fabrication en série, à l'étape de la manufacture. Dans d'autres secteurs, c'est une nouvelle industrie qui s'établit. Alors, il y a tout le secteur, par exemple, de la meunerie, qui va se développer à ce moment-là, grâce à cette énergie hydraulique qui est disponible. On va construire à Montréal de grandes meuneries. Et les principaux secteurs qui s'industrialisent dans les années 40, 50, 60 sont la chaussure, sont tout le travail du bois, les scieries, les fabriques de portes et châssis, tout ce qui touche au travail du fer et des outils en fer, les clous, les haches, enfin tous les outils qu'on peut avoir en fer. Alors il y a à Montréal plusieurs entreprises spécialisées dans ce domaine-là qui s'installent dans les années 1840-50, de sorte que, pour reprendre le mot de Raoul Blanchard, le canal de la Chine, la zone autour du canal de la Chine à Montréal, devient le cœur industriel du Canada dès les années 1840 et 50. Le mouvement est maintenant lancé, et ce, dans toutes sortes de secteurs. L'industrialisation crée des conditions de travail nouvelles, réorganise les rapports sociaux. En 1843, sur les chantiers de construction du canal Lachine, il y a eu une grève importante, la grève des terrassiers irlandais. On sent que les relations employeur-employés sont en train de changer. En 1853, à Toronto, ce sera aussi une grève marquante, qui démarque les changements dans la conscience de classe de groupes de travailleurs. On peut suivre ce cheminement qui sera répété dans tellement de secteurs, dans l'industrie de la chaussure aussi, industrie dont nous parlions plus tôt. Pour cette industrie de la chaussure, comme nous l'explique Joanne Burgess, 1849 est une date importante à Montréal. En 1849, à Montréal, deux individus qui étaient associés comme marchands fabricants de chaussures, vendant en gros, annoncent qu'ils sont en mesure de réduire leur prix parce qu'ils ont introduit une machine qu'ils décrivent comme une machine leur permettant d'économiser du travail. C'est vraiment révolutionnaire dans la cordonnerie montréalaise. Il semble bien que la machine introduite en 1849 est une machine qui permet d'accélérer la préparation du cuir. Quand on accélère la production à un bout de la chaîne, tout à coup, on se retrouve avec une masse beaucoup plus importante de produits semi-finis à la prochaine étape. On pourrait parler de goulot d'étranglement. Donc, on a tout à coup une masse de cuir prête à être travaillée, beaucoup plus considérable que ce qu'on avait auparavant. On voit les marchands fabricants de chaussures réagir en tentant de réorganiser les autres étapes de la production en même temps. Alors, en 1849, il y a à la fois introduction de machinerie, machinerie très simple, mais machinerie permettant de sauver du travail, d'économiser du travail. Et on trouve aussi une tentative de diviser encore plus d'autres étapes de la production et d'introduire une main-d'œuvre non qualifiée. Alors, en 1849, on voit des compagnons cordonniers, déjà organisés en association pour négocier leur salaire, essentiellement le taux de rémunération, on les voit confrontés à une situation où l'employeur introduit de la machinerie et commence à employer de main-d'œuvre non qualifiée. Alors, il y a une réaction très forte des compagnons cordonniers de Montréal vis-à-vis de cette menace-là. Et ce qui est encore plus intéressant, puisqu'il nous permet de voir la spécificité d'une situation de transition dans l'industrialisation, c'est que l'ensemble des autres employeurs de la ville vont s'allier aux compagnons cordonniers pour lutter contre ces innovations technologiques-là qui les menacent eux aussi, autant que les compagnons cordonniers. Donc cette compagnie nouvelle, cette compagnie innovatrice, va non seulement devoir faire face à une confrérie de cordonniers qui veut éviter qu'on engage des gens moins qualifiés, mais aussi de maîtres cordonniers incapables d'avoir ces machines-là qui veulent éviter la concurrence. C'est une situation un peu explosive, ça. C'est une situation qui mène effectivement à des confrontations violentes. En 1849, à Montréal, les compagnons cordonniers, réunis en association, décident de faire une grève contre cette compagnie. Alors, on voit ces compagnons cordonniers-là s'organiser, voter une grève contre Brown & Charles, qu'ils déclarent être un scab shop. Alors, on voit le mot scab, qu'on retrouve couramment aujourd'hui, employé dès 1849 pour désigner, dans ce cas-là, c'est désigner un employeur qui refuse de se conformer aux vœux des travailleurs. On voit les cordonniers donc faire une grève qui va durer 16 semaines. Une grève pendant laquelle ils prennent des mesures contre tout cordonnier qui voudrait continuer à travailler pour Brown & Charles. Une grève pendant laquelle ils se cotisent pour créer un fonds de grève pour les employés de Brown & Charles qui cessent de travailler. On voit même les cordonniers s'entendre avec les autres employeurs pour essayer de trouver des emplois chez les autres employeurs pour ceux qui refuseraient de travailler pour la compagnie Brown & Charles. Et ensuite, on voit les compagnons cordonniers essentiellement faire du piquetage. Ils montent ce qu'eux décrivent comme monter la garde devant l'employeur pour harceler les travailleurs qui viennent chez Brown & Charles chercher du matériel et ramener les produits finis. Et il y a même des incidents de violence sur les lignes de piquetage devant l'employeur avec certains cordonniers qui sont arrêtés par la police de Montréal. Et il faut se rappeler aussi que 1849 était de toute façon à Montréal un moment très animé. C'était le printemps où a été votée la loi pour compenser les victimes de la rébellion de 37-38 et où à Montréal, la foule en colère a incendié le Parlement. Et tout ça se passe à peu près à la même époque qu'on trouve cette agitation chez Brown & Charles. Donc, il y a aussi peut-être le climat social de façon plus large qui a une influence sur le comportement des gens dans la cordonnerie. Et cette grève des cordonniers de Brown & Charles semble se terminer après 16 semaines lorsque la compagnie intente des poursuites ou fait intenter des poursuites aux criminels contre 22 cordonniers, compagnons et employeurs, pour conspiration criminelle. Et l'automne suivant, on trouve des comptes rendus de ce procès qui, ce qui m'a surpris beaucoup, ne tourne pas comme on s'y attendrait et Brown & Charles, finalement, n'ont pas gain de cause. Les avocats font valoir que c'est une association de défense, c'est vraiment beaucoup plus une association pour protéger les intérêts des cordonniers. Ils n'avaient pas comme objectif de nuire à Brown & Charles, mais de se protéger. Et cette victoire juridique, Mme Burgess, c'est aussi le glas économique, puisque on sait maintenant que la machine est entrée dans le processus. Quelle va être la prochaine étape dans cette industrialisation de la chaussure? La prochaine étape, il ne faut pas attendre très longtemps pour la voir apparaître, en 1854-55, début des années 1850, on voit apparaître la machine à coudre, qui a un impact non seulement sur la chaussure, et c'est sûr qu'au départ, elle n'a pas été inventée pour l'industrie de la chaussure, c'est beaucoup plus pour le vêtement. La machine à coudre va affecter la deuxième étape de la production. Les premières machines à coudre qu'on a mises au point pouvaient être utilisées pour un cuir relativement léger, relativement souple. Alors, dans la confection des chaussures, le cuir servant à l'empeigne était généralement un cuir de ce type-là. Et très rapidement, la couture de l'empeigne commence à être faite avec la machine à coudre. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette innovation-là, on a déjà vu que la première innovation dans la cordonnerie se faisait dans le lieu central de production. Et avec l'introduction de la machine à coudre, c'est la deuxième étape qui maintenant va être centralisée dans la boutique du marchand cordonnier. Alors le travail à domicile va être rapatrié vers un seul lieu qui est l'usine. C'est ça, c'est-à-dire une portion importante du travail à domicile se trouve être rapatriée. La dernière étape, et celle qui demeure la plus difficile au niveau technique, la couture de l'empeigne à la semelle, continue à être faite à domicile. Pendant encore au moins une quinzaine d'années, jusqu'à la fin des années 1860. Mais dans cette première étape-là, c'est une brèche importante. Et ce qui est plus important, c'est le travail sur l'empeigne, qui était essentiellement un travail léger, qui était fait par des femmes, les épouses de cordonniers, leurs filles. Au moment où il est rapatrié à l'usine, c'est les femmes, les filles, qui vont travailler à l'usine, beaucoup plus les filles que les femmes. Alors on voit l'unité de production qui était le ménage est fragmentée, si on veut. Et le ménage est le lieu de travail de l'homme, mais pour la fille ou la femme, de plus en plus on doit aller à l'atelier central. Bon, ça prend beaucoup de temps cette évolution-là, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est important de voir que beaucoup de femmes qui pouvaient faire un peu de travail dans leur moment de liberté, quand les tâches ménagères leur permettaient, ne peuvent pas faire cette transition-là à l'usine. Et c'est vraiment des femmes plus jeunes, généralement les filles qui ne sont pas encore mariées, qui vont aller travailler en usine. À quel moment est-ce que se fait la transformation de la dernière étape dans la cordonnerie, cette étape de mécanisation de la tâche de l'empeigne à la semelle? Aux États-Unis, une nouvelle machine à coudre, plus perfectionnée, adaptée à ce besoin-là, est inventée dans les années 1860 et commence à se répandre vers 64-65. Souvent, on évoque la guerre civile américaine qui avait réduit la main-d'œuvre disponible pour travailler dans les usines comme facteur qui aurait stimulé la mécanisation. C'est ça. Alors, nous, bon, bénéficiant de cette innovation-là, on voit à Montréal, vers 1867, des renseignements indiquant qu'il y avait deux ou trois de ces machines-là. Et en 72, et vraiment dans les années 70, ça se répand et ça devient vraiment généralisé. Alors c'est vraiment, je pense, après 1865, tout est en place pour la fabrique de la grande production industrielle telle qu'on la connaît. Dans les années 1871-72, la vaste majorité des travailleurs dans la chaussure et des capitaux et de la valeur de la production sont faits dans des grandes usines mécanisés et qui ont aussi, et ça c'est une autre innovation importante des années 1860, qui bénéficient aussi de l'utilisation de la machine à vapeur. Au niveau du nombre d'établissements, on dirait la majorité c'est encore des petites boutiques, mais c'est se leurrer que de croire que la majorité des établissements correspond à la majorité des situations de travail ou de la valeur de la production. C'est vraiment, à partir de 65, c'est clair que c'est vraiment les grandes usines qui dominent dans la production de Montréal. Thank you. Le Québec et l'Ontario ont donc déjà commencé leur industrialisation dans la période pré-confédérative. Et on sait déjà que le Québec prend du retard par rapport à l'Ontario. Il existe différentes explications de ce phénomène, explications qui ont recours aux mentalités ou à l'hypothèque géographique. Mais pour John McCallum, l'explication est économique. Il faut comprendre que les patterns d'industrialisation ont été fort différents dans les deux provinces, et que le désavantage relatif du Québec au stade de l'industrialisation ne fait que réverbérer le désavantage relatif que le Québec avait dans l'agriculture. Le Québec, comme l'Ontario, a fait beaucoup de progrès pendant les années 50 et 60. La crise s'est terminée graduellement parce que les conditions du marché se sont améliorées. Le marché dans les États-Unis, en raison de la réciprocité, le marché en Angleterre et aussi une certaine croissance du marché local. Mais néanmoins, le revenu, et ceci peut-être je crois c'est le seul statistique le plus important, le revenu moyen du fermier ontarien était à peu près 3 ou 4 fois plus élevé que le revenu moyen du fermier québécois. Et cette relation a baissé un peu pendant les années 50 et 60, mais il faut se rappeler que le Québec venait de finir sa crise. Les dettes des fermiers, des habitants étaient énormes. Par contre, l'Ontario venait d'émerger de la période de la croissance la plus rapide de son économie de blé. Et donc, les changements de structure étaient beaucoup plus lents au Québec qu'en Ontario. Est-ce que le fait qu'il y ait malgré tout une ou deux grandes villes au Québec ne devrait pas permettre de croire qu'on aurait pu s'industrialiser, puisqu'on avait déjà un peu d'avance au Québec, si on peut dire, au plan de l'industrialisation dès le début? Oui. Je crois que les forces de l'industrialisation étaient très différente dans les deux provinces. En Ontario, c'était une croissance de type classique. Le secteur agricole et le secteur industriel ont cru ensemble. Mais au Québec, le secteur agricole n'était pas un bon marché pour le secteur industriel. La fonction la plus importante du secteur agricole, ou une des fonctions les plus importantes, était la provision de la main-d'œuvre bon marché. Donc, le développement industriel du Québec était plutôt le développement d'une enclave. Les industriels québécois ont tourné au secteur agricole pour le main-d'œuvre bon marché. Mais le développement de l'industrie était basé sur les facteurs externels, comme le marché ontarien, comme les développements commerciaux à une échelle continentale. Ce sont ces facteurs externes qui ont donné l'impulse à l'industrie québécoise, tandis que c'était plutôt les facteurs internes qui ont donné l'impulse à l'industrie ontarienne. Au Québec, donc, l'agriculture a été la source de main-d'œuvre pour l'industrie. En Ontario, l'agriculture a été à la fois source de main-d'œuvre et source de demande pour les produits manufacturés. Que l'on puisse ou non attribuer le gros de la situation privilégiée de l'Ontario dans la période d'industrialisation à son avance dans l'agriculture, à son agriculture différente, il reste que la période d'industrialisation dans l'ère pré-confédérative est fondamentalement marquée par deux vagues d'investissements publics, les investissements dans les canaux dans les années 40 et dans les chemins de fer dans les années 1850. Ces deux vagues d'investissement ont presque ruiné la province du Canada uni, mais elles ont engendré un espace économique intégré dans le Canada central et une plateforme à partir de laquelle on pouvait penser à des chemins de fer qui rejoindraient dans l'Est les maritimes et dans l'Ouest et les prairies et la Colombie-Britannique. La prochaine fois, nous explorerons ce monde des canaux et des chemins de fer dans la période pré-confédérative. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, Jacques Lucier. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.